Bonsoir Marie-Hélène, 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Bien loin de l'archéologie de salon, son terrain est la forêt tropicale. Pour preuve, sur son bureau, une photo où, à défaut de boa, il arbore un gigantesque anaconda vivant autour de son cou. Depuis 3 décennies, il est un des très rares archéologues œuvrant dans la démesure de la forêt amazonienne, ayant cure des pluies diluviennes, moustiques et soleils de plomb, au point d'être surnommé l'Indiana Jones de Kourou par un journaliste blogueur du Monde. Sous les lumières des projecteurs de la métropole, je ne sais s'il en prend ombrage. Quoi qu'il en soit, Stéphane Rostin, bonjour. Bonjour. Directeur de recherche au CNRS, habitué de l'émission d'archéologie de France Culture, vous venez de publier vos recherches au travers d'un ouvrage, Amazonie, les 12 travaux des civilisations précolombiennes, publié chez Belin. Stéphane Rostin, à y regarder de plus près, votre ouvrage semble une exception. Curieusement, la France, dernier pays européen à posséder un territoire amazonien, n'a ni livre, ni auteur, ni audience sur la plus grande forêt du monde. Par chance, elle a un archéologue ? Oui, c'est vrai, je viens de passer 3 ans en Équateur, et en rentrant, je me suis rendu compte de l'ignorance totale du public sur la plus grande forêt tropicale du monde. Personne ne savait rien sur l'Amazonie, alors que les gens sont fascinés par tout ce qui est, disons, entre guillemets, exotique. On a des tas de livres sur l'Alaska, sur le Sahara, la Sibérie, mais pas un seul sur l'Amazonie. Et ça m'a vraiment choqué. Alors, vous dites qu'il n'y a pas d'audience. Je pense qu'il y en a une. Ce qui manque, c'est les auteurs. Et on arrive de temps en temps à placer notre Amazonie. Vous êtes d'ailleurs, je vous remercie de m'inviter régulièrement pour parler de cette archéologie. C'est quand même 7 millions de kilomètres carrés, la taille de l'Australie. C'est pas un tout petit pays. Pourquoi on n'en parle pas? Je crois que c'est l'Amazonie, depuis sa découverte par les Européens, souffre d'une hyper mythologisation, si on pouvait inventer le terme. On a tout de suite créé des mythes par rapport à l'Amazonie. Christophe Colomb, quand il arrive dans le delta de l'Orénoque, il pense avoir atteint l'Éden, le paradis sur Terre. Par la suite, Walter Raleigh va penser que c'est l'enfer. Enfin, on a vécu tous les mythes de l'Amazonie depuis sa découverte, et ça reste incrusté dans l'esprit des gens. Regardez la série qui vient de se faire sur la Guyane. Elle reprend tous les poncifs les plus éculés sur l'Amazonie. On a un grand film qui sort récemment. Grand, je ne sais pas, parce qu'on fait un héros à partir d'un personnage assez pittoresque. The Lost City, c'est ça ? The Lost City of Z, avec Fawcett, qui était un colonel de l'armée qui avait été envoyé pour, à l'époque du conflit entre la Bolivie et le Brésil, donc pour régler les problèmes frontaliers. Et alors, il était très naïf. Très débonnaire, et donc quand les Indiens lui disaient « Oh, bah là-bas, il y a une cité perdue », et il y allait, et il croyait tous les bobards que lui sortaient les Indiens. Lire son livre, c'est à mourir de rire, à vrai dire, parce que il est allé toujours plus en avant pour découvrir des légendes, et un jour, il est jamais revenu. Alors, c'est pas vraiment un héros dans le sens, d'après ce que m'ont dit les gens qui avaient vu ce film, on a tendance à en faire un grand héros romantique, et je suis pas sûr que la réalité était si proche que ça. Stéphane Rostin, vous me parliez de mythe. Le premier mythe, c'est bien sûr l'Amazone. Les Amazones. Alors, l'Amazone, le fleuve, est un fleuve exceptionnel. Bon, c'est le plus grand du monde, le plus puissant. Il n'a pas été découvert de l'embouchure aux sources, mais des sources à l'embouchure, par une expédition qui s'était perdue, qui était partie de Quito, dans les Andes, chercher de la cannelle. Ils sont descendus, ils se sont perdus et ils ont atterri, ils ont fini par atterrir au bout de quelques mois dans l'Atlantique. En 1541. Et là, ils ont vu, pour la première fois des femmes guerrières. Évidemment, tous ces gens nourris, il y avait le curé de l'expédition, qui Gaspard de Carvajal, qui écrivait l'épopée, nourris de textes classiques, ils ont évidemment rapproché ces femmes guerrières des femmes de l'Empire Moyen-Oriental, des femmes amazones de l'Antiquité grecque, et de baptiser le fleuve de ce nom. Mais après cela, on a souvent parlé des Amazones, plus personne ne les a vues. Elles auraient été vues qu'une seule fois, je mets un conditionnel, qu'une seule fois par cette expédition tout à fait exceptionnelle d'Orellana. Le fleuve, c'est le grand serpent arc-en-ciel des mythes amérindiens ? C'est plus que ça. Moi, j'ai tendance à avoir dans ce fleuve une mer, à vrai dire, parce que au niveau de Santarém, dans la basse Amazonie, vous avez 10 km de large de fleuve. L'embouchure mesure 300 km de large. On est dans la démesure totale. Il y a une petite île dans l'embouchure de l'Amazone qui a fait la taille de la Suisse, 48 000 km². On est dans une démesure, et traverser le fleuve à l'époque précolombienne, c'était compliqué. Ça se traversait pas comme une petite rivière. Une frontière. C'était, je pense, une mer frontière, oui. En tout cas, c'est une sorte de serpent arc-en-ciel dans les mythes. Il apparaît comme ça, comme d'autres rivières aussi, un serpent qui transporte des populations, qui va dans l'inframonde. Il est reconnu. On reste pas insensible devant l'Amazone. Et l'Amazone est aussi un fleuve furieux, puisque en une nuit, les eaux peuvent monter de 7 mètres. Donc si vous cultivez en bord de rivière, du jour au lendemain, vous pouvez perdre toute votre production. Il y a d'ailleurs une agriculture extrêmement productive qui s'appelle l'agriculture de Varzea, donc de plaine alluviale, puisque chaque année, les inondations déposent des limons extrêmement fertiles, et donc les gens en profitent pour cultiver, sauf que l'eau ne prévient pas pour monter. Je me rappelle un jour, en Guyane, j'avais été en exploration, en reconnaissance archéologique, et j'avais mis mon hamac assez prudemment à 2 mètres de hauteur au-dessus de la rivière, entre deux arbres, et le matin, en sautant joyeusement de mon hamac, j'avais atterri dans l'eau, puisque l'eau avait monté d'1,50 mètre dans la nuit, quoi. C'est vraiment des conditions extrêmes à tout point de vue. Nos propres fantasmes de l'Amazonie auraient été construits à partir de la mythologie grecque ? En grande partie, et religieuse et chrétienne, grecque, romaine et chrétienne. C'est ce qui m'a donné l'idée. J'ai essayé de comprendre au départ pourquoi les gens ne s'intéressaient pas à l'Amazonie. Et à vrai dire, c'est parce qu'on n'avait pas essayé de les intéresser. Donc j'ai voulu démystifier l'Amazonie. Et pour ce faire, je me suis dit, quoi de mieux que le mythe le plus célèbre d'Europe, celui d'Hercule et de ses 12 travaux. Et donc je prends les 12 travaux d'Hercule que j'applique à l'Amazonie. Et c'est un retour de bâton, je dirais, puisque en effet, on s'est servi beaucoup des mythes grecs pour les appliquer à l'Amazonie, que ce soit les sirènes, que ce soit les Amazones, et puis les mythes chrétiens. Faut dire, à l'époque, on est en fin de Moyen-Âge, que savait-on du monde ? On imaginait encore que les hommes avec la tête sur le sans-tête existaient, tout autant que les girafes. Il n'y avait pas encore de référence linéenne. Les gens étaient en pleine découverte du monde, et on était prêt à accepter tout et n'importe quoi. L'étonnant, c'est qu'en Amazonie, c'est resté. Jusqu'à aujourd'hui, vous trouvez encore des aventuriers qui vont chercher la cité Z ou les 7 cités de Cibola. Vous avez toute une série de mythes qui restent incrustés dans l'esprit des gens. Il n'y a pas si longtemps que ça, Neil Armstrong a été convié pour aller au fin fond de l'Amazonie découvrir une cité perdue construite par des aliens. Puisque c'était dans les années 70, le seul spécialiste de l'espace était Neil Armstrong. Il l'a trouvé ? Et ils ont trouvé une grotte. Pourquoi s'implanter dans un milieu qui nous paraît si hostile, inapproprié par essence, peuplé d'animaux géants et menaçants, du moins au début ? Alors, c'est justement tout sauf ça. Ça nous fait peur à nous, Européens urbains. Mais les hommes qui sont là depuis... Nous, on est là depuis 300 ans, 500 ans maximum dans cette forêt. Les Amérindiens sont arrivés il y a 10-13 000 ans. Ils ont eu le temps de comprendre ce paysage, qui n'est pas que fait de forêt, d'ailleurs. Il y a des savanes, il y a des petites collines, c'est des montagnes qui culminent à 3 000 mètres. Il y a une diversité de paysages en Amazonie tout à fait exceptionnelle. Et donc, quand on sait s'y adapter, on y vit très très bien. Et les Amazoniens ont réussi à créer des modes de vie, parce qu'il n'y en a pas qu'un, qui sont parfaitement en adéquation avec cette forêt qui offre une richesse exceptionnelle. Vous avez 15% de la biodiversité mondiale faunique et végétale qui se trouve en Amazonie. Il y a plus de 18 000 arbres, espèces d'arbres en Amazonie, alors qu'en France, on en compte 140. On est dans une... Il y a 2,5 millions d'insectes, d'espèces d'insectes en Amazonie. Tout est dans la démesure, comme le fleuve le montre par ses dimensions. Stéphane Rothstein, quelles sont aujourd'hui les plus anciennes implantations humaines dans cette zone connue des chercheurs ? Alors, ce ne sont pas des implantations, justement, puisque ce sont des sites nomades. Donc, des premiers chasseurs-cueilleurs qui ont fréquenté la mégafaune. Ils sont arrivés entre 13 000 et 10 000 ans. Ils ont chassé le tigre à dents de sable. Ils ont connu les derniers représentants du mégatherium, de cet ours géant. Les tout premiers ont découvert, assez rapidement après avoir peuplé l'Amérique, ils ont découvert l'Amazonie, qui à cette époque ressemblait plus à de grandes savanes avec des îlots forestiers que la forêt qu'on connaît aujourd'hui. Et ces nomades ont perduré jusqu'à aujourd'hui. On découvre parfois encore des groupes nomades perdus, donc qui ont encore une technologie paléolithique ou à peine néolithique. Et progressivement, se sont peuplés d'autres gens, des pêcheurs-collecteurs, des céramistes. Il faut dire que l'Amazonie, contrairement encore à une idée reçue, est une terre d'invention. On pense souvent que toutes les grandes inventions, les grandes innovations américaines viennent soit de la Mésoamérique, soit des Andes. En réalité, la plus ancienne céramique d'Amérique, de toutes les Amériques, vient d'Amazonie, a été faite il y a plus de 7000 ans dans le bas Amazon, bien avant la fameuse céramique Valdivia de la côte Pacifique ou celle de Colombie. Dans ce milieu tropical humide de surcroît forestier, on s'imagine que le souci c'est l'eau. Les populations ont pour partie trouvé la solution pour avoir les pieds au sec ? Ils n'avaient pas forcément besoin d'avoir... En effet, c'est l'eau, soit par son excès, soit par son manque. Parce que il faut pas oublier que parfois, on manque d'eau en Amazonie. Donc, il faut contrôler l'eau, la diriger. Et comme les Amazoniens étaient de grands terrassiers, ils ont énormément... Alors, ils n'avaient pas de pierre. Donc, ils ont pallié cette absence de pierre en étant des creuseurs infatigables et creusant des canaux, surélevant des chemins, des buttes, des monticules pour vivre. Ils ont complètement remodelé la superficie de cette Amazonie pour l'adapter à leurs besoins les plus vitaux. Et parmi ceux-là, évidemment, l'eau qu'on arrive à évacuer quand elle est en trop plein, ou alors à se placer au-dessus, par exemple, les champs surélevés, qui sont des buttes qu'on trouve par milliers dans certains marécages, sont des petites buttes qui sont au-dessus du niveau d'inondation et qui sont cultivées, qui étaient cultivées par les Amazoniens, ce qui permettait de cultiver dans un marécage. Il y a deux solutions pour cultiver dans un marécage. Il y a ce qu'ont fait les Hollandais, des polders, c'est-à-dire on draine l'eau, on l'enlève pour assécher les parcelles, ou alors on surélève des petites buttes au-dessus du niveau de l'eau, et c'est ce qu'ont fait les Amérindiens. Il y a le champ flottant aussi. Oui, les champs flottants qui sont les chinampas à l'origine, mais on n'est pas sûr qu'elles aient vraiment flotté. En Amazonie aussi, il y a des champs flottants, des espèces de champs flottants qui sont faits où on met même des vaches qui pèsent. C'est assez étonnant, c'est des espèces de radeaux monstrueux. On se croirait un petit peu dans un livre de Jules Verne. Vous avez retrouvé ces champs surélevés un peu partout. Vous étiez venu m'en parler en Guyane, vous en aviez vu, mais on en trouve absolument tout au long de l'Amazonie. Non. Ou est-ce bien... Non, alors on a toujours pensé que les Amérindiens ne faisaient que cultiver par la culture, par la technique du brûlis, qui consiste à couper les arbres d'une petite parcelle de la forêt, les brûler, les couper, les brûler pour faire fertiliser la terre qui est pauvre, et de là on cultive 5, 6, 7 ans avant de couper une nouvelle parcelle qu'on replante, etc. Et ce qu'on appelle l'agriculture itinérante, on a souvent inféré que cette agriculture qui domine aujourd'hui a toujours été dominante. Et on s'est aperçu il y a quelque temps que c'était faux. D'abord, couper des arbres en forêt, c'est dur. C'est des arbres qui sont remplis de silice et qui sont difficiles à couper. Donc, c'était peut-être pas une technique si répandue que ça avant l'introduction des objets, des haches en fer. Les Amérindiens avaient d'autres techniques et beaucoup de techniques qui sont hélas perdues pour la plupart, d'agroforesterie, de culture sur champs surélevés, sur la varzea, comme je vous l'ai dit, sur des terres preta, des terres noires très fertiles. Il y avait une multiplicité de techniques et de réponses agricoles suivant la diversité des milieux dans lesquels ils s'implantaient. Stéphane Rothstein, d'ailleurs, on vit sur des coquilles en milieu côtier brésilien ? Oui, alors vivre... Et pour avoir les pieds secs. Alors, il y a en effet tout le long du littoral brésilien et même jusqu'à le Venezuela et dans les petites Antilles, ce qu'on appelle des amacoquillés, des sambaquis en portugais, ceux qui sont d'immenses monticules qui peuvent atteindre 20 mètres de haut, plusieurs hectares de coquilles. Alors la coquille n'est pas... longtemps on a cru qu'ils mangeaient des coquillages, jetaient des coquilles et vivaient dessus. Moi qui suis né en Bretagne, je peux vous dire, je ne vais pas rester longtemps à côté d'un coquillage que je viens de manger, parce qu'au bout de quelques jours, c'est délicat au point de vue olfactif, et surtout sous les tropiques. Donc ces coquillages, on s'est aperçu en regardant les ossements des tombes associées, que finalement, ils ne mangeaient pas tant de coquillages que ça, ils mangeaient surtout du poisson. Et donc ces coquilles, je pense, étaient plutôt récupérées sur des colonies mortes et servaient de matériaux de base pour construire ces immenses monticules qui servaient non seulement de résidence, mais servaient aussi à enterrer les morts, à faire des cérémonies. Et ça a duré pendant 8000 ans l'occupation de ces immenses monticules de coquillages. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Stéphane Rostin, vous nous dites que les Amazoniens étaient d'infatigables terrassiers. La mise en valeur des terres a dû nécessiter un travail gigantesque, mais aussi une réelle organisation. Ah, c'est ce que j'ai longtemps cru. J'ai longtemps cru, en effet, que ces milliers de champs surélevés avaient nécessité des superviseurs, des sociétés hiérarchisées, organisées. Et finalement, quand on regarde les derniers cultivateurs de champs surélevés du monde, qu'on trouve essentiellement en Afrique, il suffit de petites familles pour très vite construire un paysage de champs surélevés. J'ai un ami, un collègue avec qui j'ai longtemps travaillé, Dol Maquet, qui est écologue à Montpellier, qui s'intéresse beaucoup aux différents paysages de buttes et aux paysages construits par les hommes. Il s'est aperçu qu'il n'y avait pas besoin de grandes populations pour faire ces champs surélevés, puisque tout le monde avait la connaissance du milieu, chacun pouvait se débrouiller. Évidemment, on se réunit parfois pour faire une œuvre collective, mais le reste du temps, il n'y a pas besoin d'avoir une société si hiérarchisée que ça. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que comme on cultivait essentiellement du maïs sur ces buttes, elles correspondaient à des sociétés nombreuses, qui avaient besoin de protéines. Et donc, les villages étaient relativement étendus. Et donc, on ne parle pas de villages de 50, 100 habitants comme aujourd'hui. On peut rajouter facilement à zéro à ces estimations. Il nous faut aussi évoquer les terres noires, ces terres très riches, à des compositions très particulières, et vendues chez les fleuristes sud-américains. Et les fermiers. Les fermiers font leur beurre avec la terre noire. La terre noire, c'est une terre magique. C'est une terre qui résulte d'une occupation extrêmement dense et très longue au même endroit. Et donc tous les résidus de vie des gens qui ont habité là, c'est-à-dire les morceaux de charbon des foyers, les morceaux de les restes de nourriture, les restes de tessons, de céramique, tous les restes de vie du passage de l'homme ont transformé la chimie des sols, chimiquement les sols qui se sont convertis en des sols très noirs, extrêmement fertiles. Alors, il faut rappeler qu'en Amazonie, on est dans un milieu acide, peu fertile. C'est pour ça que la technique du brûlis est nécessaire dans certains endroits pour abonner le sol. Cette terre noire est extrêmement productive. Certains spécialistes ont estimé qu'elle était 900% plus fertile que la terre alentour. Donc, ce que font les paysans, c'est qu'ils la vendent comme un terreau aux gens intéressés, parce que on peut cultiver plus facilement. Et ces terres noires n'ont plus été produites à partir de la conquête? Elles résultaient d'une occupation dense. Que s'est-il passé avec la conquête? Nous sommes arrivés et 50 ans plus tard, il n'y avait plus personne. Nous avons apporté des maladies extrêmement violentes pour les Amérindiens qui n'avaient pas d'anticorps pour certaines maladies inconnues, des simples rhumes, des grippes, des angines, décimées des villages entiers. On a des témoignages pas si anciens que ça, d'explorateurs qui débarquent dans un village où ils ne sont accueillis que par des squelettes, dans des hamacs. Ils n'ont même pas eu le temps de s'enterrer. Les gens mouraient comme des mouches au sens propre du terme. On parle facilement de la conquête, des désastres, la conquête du Mexique, où les gens aussi sont morts des maladies, pareil dans les Andes. Ce choc épidémiologique a eu lieu aussi dans les basses terres et en Amazonie. On a dépeuplé sans s'en rendre compte. Ce qu'il y a, c'est qu'on a pénétré beaucoup plus longuement, on a pris plus de temps pour pénétrer l'Amazonie, et quand on a réussi à l'explorer un peu plus, il n'y avait déjà plus personne. Mais c'est pas parce qu'il n'y avait jamais eu personne, c'est parce qu'ils étaient morts. L'empreinte de l'homme est-elle visible et encore visible dans cette immense forêt tropicale ? Elle est visible, je dirais, partout. Elle est visible dans les arbres. Ils ont transformé l'article de Science que confirme des idées que plusieurs d'entre nous avions depuis des années. L'homme a induit des changements dans la végétation en favorisant des espèces, en empêchant d'autres espèces, en permettant la prolifération d'associations d'arbres. Il a changé profondément la composition végétale de l'Amazonie. Et ce changement induit par l'homme a perduré jusqu'à aujourd'hui dans certains endroits. Il faut penser que les Amérindiens ont débarqué dans cette forêt, ont eu 13 000 ans pour en faire une science de connaissance de leur milieu. Et à l'époque de la conquête, ils connaissaient parfaitement cette forêt. Ils cultivaient plein de plantes. Il y a 85 plantes qui ont été domestiquées en Amazonie. C'est des chiffres énormes comparés aux autres foyers de domestication du monde. Vous allez dans un abatis Jivaro, par exemple, vous avez 62 espèces cultivées ensemble. Donc il y a une vraie connaissance de la diversité, on utilise la diversité, et c'est ce qu'ont fait les Amérindiens. Et la diffusion, elle se fait à tous les niveaux. Les enfants qui mangent sans arrêt des fruits rejettent les pépins et les noyaux qui font de nouveaux arbres. Certains groupes amérindiens mangent délibérément les noix de cacao pour aller les déféquer un peu plus loin et provoquer une naissance d'une autre forêt. Je rappelle pour les auditeurs du magazine d'archéologie de France Culture que nous évoquons l'Amazonie et son passé avec Stéphane Rostin, directeur de recherche au CNRS. Vous le disiez à l'instant, l'Amazonie est un très grand foyer d'innovation. Donc le cacao, la patate douce, le manioc, quoi d'autre ? Le piment peut-être ? Oui, le piment bien sûr, l'ananas. Donc il y a 85 espèces qui ont été au moins domestiquées ou semi-domestiquées en Amazonie. Toutes n'ont pas connu le destin fabuleux du manioc qui a été très vite adopté en Afrique. D'autres sont restés plutôt anonymes. Mais pour revenir sur le manioc, c'est une plante aussi fantastique. Le manioc est une plante qui sait se défendre toute seule contre les parasites. On n'en trouve pas comme ça beaucoup sur Terre. Et pourquoi le manioc est aujourd'hui si répandu ? Peut-être parce que au moment de la conquête, vous faut imaginer l'Amazonie comme une fourmilière dans laquelle l'homme aurait mis le pied, et donc toutes les fourmis sont affolées et vont partout. Et les groupes amérindiens fuyaient partout. Il y avait une baisse démographique rapide et importante. Donc on en est arrivé à des villages beaucoup plus isolés et avec des champs qui étaient loin. Et pour éviter d'être pillés par les groupes nomades qui passaient, quand vous avez un champ à 5 km de votre implantation, vous ne pouvez pas le surveiller. Et donc les gens de passage pouvaient voler facilement les productions. Et bien si vous mettez une plante vénéneuse comme le manioc, qui ne peut pas être consommée sans tout un traitement qui nécessite une technologie assez avancée et lourde, et bien elle se protège toute seule. Et donc le manioc qu'il faut traiter pour enlever l'acide cyanhydrique, le cyanure qu'il y a dedans, est une plante qui sait se défendre contre les parasites humains ou animaux. D'ailleurs, justement, Stéphane Rostin, qu'en est-il des hallucinogènes, des poisons ? Alors, les Amérindiens utilisent énormément de produits hallucinogènes pour voir les non-humains, pour voir le monde de l'au-delà, pour des pharmacopées. C'est un usage assez courant, mais elle a dit la grande différence, évidemment, c'est entouré de soufre, de parler d'hallucinogène. Mais à la différence de nos sociétés occidentales, il n'y a pas cette accoutumance aux poisons, aux hallucinogènes, ni même au tabac. Ils fument énormément de tabac et ils n'ont pas l'accoutumance que nous, on a immédiatement. Nous avons notre propre destruction en nous. La coca serait inventée non pas en Amazonie, mais à côté. La coca est plutôt vient des Andes, très clairement. Elle a été domestiquée dans les Andes. Et elle est d'ailleurs assez peu répandue en Amazonie, elle s'est surtout répandue sur la côte du Pacifique, où on voit sur des vases anciens d'il y a 2 000 à 3 000 ans, des coqueros, c'est-à-dire des statues de figurines humaines en train de mâcher des boules de coca dans leurs joues. L'Amazonie est aussi une zone d'échange, de troc. Je pense bien entendu aux pierres des Amazones. Oui, alors il faut imaginer l'Amazonie précolombienne comme un immense réseau de petits chemins, de routes qui s'entrecroisaient un peu partout. Vraiment, c'était un monde connecté. Tout à fait stupéfiant. Qu'on pense toujours que les Amazoniens sont essentiellement des navigateurs, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de groupes amazoniens qui ne savent pas faire de bonnes pirogues, qui ne savent pas très bien naviguer. En revanche, ils savent marcher, et marcher des heures et des heures. Et donc, ce monde était très connecté, de façon assez stupéfiante, les objets transitaient sur des milliers de kilomètres. Et l'objet phare était évidemment la Murakita, qui est une espèce de pendentif, un petit ornement en pierre verte représentant plutôt des grenouilles. Et on imagine, selon les témoignages un petit peu foireux du XVIe et XVIIe siècle, que c'était les Amazones qui façonnaient avec de l'argile du fond d'un lac ces ornements. Et au moment où elles les sortaient de l'eau, ils devenaient de la pierre et elles les offraient aux hommes contre leur service sexuel. Des grenouilles mortelles. Mortelles, puisqu'en effet, les dendrobates, ces toutes petites grenouilles qui pullulaient dans les... Bleues, très belles. De bleu, orange, elles ont des couleurs fantastiques. Et elles pullulaient d'ailleurs dans la région que j'ai beaucoup fouillée dans le cadre de ma thèse, il y a 30 ans, dans le Bas-Oyapock, en Guyane. Ces grenouilles sécrètent un poison extrêmement violent. Si vous avez une petite coupure, vous mourrez instantanément. Et alors, les Amérindiens l'utilisent d'une façon totalement incroyable, puisque grâce à cette grenouille, ils peuvent changer artificiellement les couleurs des plumes des perroquets. Pour cela, ils arrachent les plumes des perroquets, ils badigeonnent le corps du perroquet déplumé avec le poison de cette grenouille mélangé avec des herbes, et les plumes repoussent d'une autre couleur. Et ça ne tue pas le perroquet. Ça doit le faire un petit peu souffrir. Mais ça ne le tue pas, et c'est ce qu'on appelle le tapirage. C'est une technique de coloration artificielle sur être vivant, unique au monde. Y a-t-il, à l'image des grands empires méso-américains, un véritable phénomène urbain en Amazonie? Certains le croient. Quand on voit les derniers résultats archéologiques, on peut difficilement douter de l'ampleur de certains sites. Après, de parler d'urbanisme dans notre sens occidental, c'est un peu à chacun de juger, je dirais. Stéphane Grostin, évoquons la diversité. Voici 1 000 ans, plusieurs millions d'Amérindiens parlaient des centaines de langues. Oui, exactement. C'était une Babel tropicale, humide. On parlait beaucoup plus de langues. Il faut penser les tropiques. Alors là, je vais sortir du cadre de la simple Amazonie. La ceinture tropicale du monde est créatrice à tout point de vue. Vous avez beaucoup plus d'espèces, animales ou végétales. Vous avez beaucoup plus d'ethnies et vous avez beaucoup plus de bactéries. C'est des mondes grouillants qui nous effraient, mais qui sont des mondes de biodiversité uniques. Stéphane Grostin, tout n'est pas rose en Amazonie. Sandra évoque un extraordinaire passage dans Moravagine, la réduction des têtes, une pratique qui a horrifié l'Occident. On aime se faire peur. Ces pratiques, à vrai dire, sont pas tellement pires que celles des fantômes des manoirs écossais, puisque l'idée, c'est d'enfermer le fantôme, l'âme de l'ennemi qu'on vient de tuer, dans une tête qui a subi quelques transformations. Rien d'excessif en ça. Nous n'aurons pas le temps de parler d'anthropophagie, celle bien sûr décrite par Pierre Clastre. Une dernière question brièvement. Le trophée humain joue un rôle clé dans la guerre. En revanche, les enfants étaient recueillis et adoptés. En 2013, un groupe indien a massacré une famille et adopté les enfants. Cela a suscité un débat avec les droits coutumiers des populations autochtones en Équateur. Oui, alors il faut savoir que les guerres amazoniennes ne sont pas des guerres de conquête de territoire, ce sont des guerres de pour assimiler les forces de l'ennemi, et donc tous ces rites dont on parle sont des rites pour adopter la force de l'autre. Et adopter les enfants participe à cela. On intègre les ennemis dans notre corps, dans notre société. Stéphane Rostin, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Amazonie, les 12 travaux des civilisations précolombiennes. Carbon 14 était réalisé par Vanessa Nadjar à la technique Manuel Couturier avec la contribution d'Anne-Catherine Lochard. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page de Carbon 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, Carbon 14 s'intéressera à l'Afrique avec François-Xavier Fauvel.